Je ne suis sans doute pas très vieux, mais je connais l'amour. Quand une fille te rend malheureux, pleure pas tous les jours. Si tu veux qu'elle te voie, oui qu'elle s'attache à toi. Si tu veux qu'elle ne soit vraiment rien qu'à toi, oh, dis-lui que tu l'aimes à la folie. Dis-lui que tu l'aimeras pour la vie. Dis-lui, dis-lui, oh dis-lui, oui, dis-le-lui. Je ne suis sans doute pas très vieux, mais je connais l'amour. Si tu veux enfin être heureux, sors donc au grand jour. N'attends pas demain pour crier cet amour. Prends-la par la main sans plus de détour. Et dis-lui que tu l'aimes à la folie. Dis-lui que tu l'aimeras pour la vie. Dis-lui, dis-lui, oh dis-lui, oui, dis-le-lui. Moi aussi, tout comme toi, j'ai longtemps hésité, mais l'amour a gagné. Car mon cœur ne savait pas jusqu'à ce beau jour. Oui, oui, on m'a dit, oh toi, je ne suis sans doute pas très vieux, mais je connais l'amour. Si une fille te rend malheureux, pleure pas tous les jours. Si tu veux qu'elle te voie, qu'elle s'attache à toi. Si tu veux qu'elle ne soit à toi, rien qu'à toi. Oh, dis-lui que tu l'aimes à la folie. Dis-lui que tu l'aimeras pour la vie. Dis-lui, dis-lui, oh dis-lui, oui, dis-le-lui. Oh, prends-la par la main, tu l'aimes à la folie. Écris-le-lui, tu l'aimeras pour la vie. Et dis-lui,